Tu l'as découvert sur Skyrock aux côtés des psychiatres de la rime. C'est Alonso Papé. Planet Rap. Let's go. Planet Rap exceptionnel sur Skyrock avec Alonso. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Skyrock. Planet Rap. C'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti avec Alonso, avec Spike Miller qui sont là pour la troisième soirée dans Planet Rap. Comment ça va, messieurs? On est là, en violent et en direct. Ouais. Bienvenue Alonso avec cet album qui fait un véritable carton, on peut le dire, hein, numéro 1, digital, depuis sa sortie, depuis lundi. Ça se passe bien. Il s'appelle Règlement de compte, on le découvre tous les soirs. Yes. Et ce soir, que va-t-il se passer Alonso, s'il te plaît, le programme de l'émission? Programme chargé, déjà on va accueillir les gagnants du concours freestyle. Voilà, on a balancé l'instru RDC. Sur internet, il y a plusieurs groupes qui ont fait des remixes à leur sauce. Mmh. Donc nous, on a trois gagnants. On a le groupe Pléiade de Marseille, on a Debza de Nancy et ALP du 9-4. Donc on va. C'est bizarre qu'il y ait un groupe marseillais. Hein. Eh ben regarde, il y a Paris, Marseille et Nancy. Bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Ça cherche la merde, frère. Non. Ta mère. Voilà, on a sélectionné ce que nous on pensait être bon. Après, merci à tous ceux qui ont participé. Et voilà, et ensuite on va faire encore découvrir cet album, faire rentrer les gens dans notre univers, dans notre monde. On va parler de la tournée, et voilà, il y a plein de trucs. Et l'album Règlement de compte sur Skyrock à découvrir. Et puis on va se rappeler aussi ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Écoute, c'était hier soir en direct sur Skyrock. Chaco Comorte y a été avec les psychiatres aussi, mais t'y vas pas non plus régulièrement parce que tu sais, moi je suis issu d'une famille de 7 enfants. Donc déjà ma mère, pour venir en France, il a fallu qu'elle fasse venir ses enfants petit à petit, deux par deux. Moi je suis né en France et même pour aller en vacances, c'est très très loin. Voilà, donc on n'a pas cette chance là d'y aller toutes les années quand on est petit. Planet Rap. Ramenez-moi le plat de concurrence que je le graille. Ça manque de goût, rajoute la sauce rougaille. Ton mec fait du MMA, on s'en bat les reins. Car je sais où je vais, mais surtout tu sais d'où je viens. Quartier Nord, nos limites. Wesh gros, dis-moi pourquoi tu nous imites. Tu rentres chez nous avec un casque intégral. T'es suspect, lève-moi vite. C'était hier soir, en direct sur Skyrock. Si les événements qui se passent à Marseille, ça fait 2-3 ans, tu vois, ça me laisse pas indifférent. Donc on essaye d'être juste quand on parle de ces trucs-là. Bah, tu le dis aussi dans le morceau RDC, d'ailleurs, ça fait surtout beaucoup de peine aux mamans, aux familles, aux proches. Voilà. On juge personne, tu vois, on n'est pas là pour juger. Oui. Et c'est juste qu'il faut être juste et tout simplement, c'est des choses qui ne me laissent pas indifférent, donc on en parle. Je me rapproche de la Bugatti, t'as la corde au cou pendant que je fournis que toute la nuit. J'ai de la drogue, je sais plus quoi dealer. Je n'attendrai pas que la nuit tombe pour venir t'allumer. 1 million d'euros valent 1,5 million. Va demander à Maître Gims si il dormait la nuit. Planet Rap. Parlons, fais vite avec Basel. Oui, tout ce grand échafaudage que vous appelez la Tour Eiffel. Voiture voilée en Italie. Oui, y'aura nos plus de Pirelli. Oui, et avant de fusiller, laisse-moi finir mes fusillis. Braquette, folle, prison, crise. C'est le même tarif. Comment, Marseille, Paname, Sénégal. C'est le même tarif. Bien, Francis, Balance, Maurice, Poète. C'est le même tarif. Rappeuse, tu frappes, tu clashes. C'est le même tarif, c'est le même tarif. C'est Planet Rap sur Skyrock. C'est bizarre. Les morceaux quand même passent sur Skyrock, je sais pas, je les trouve encore mieux. C'est bizarre, il y a quelque chose, non? Il y a un grain ça, spécial. C'est comme les grands cuisiniers, tu peux pas. Ah voilà, ça sonne hit direct. Direct, c'est vrai, c'est vrai que quand ça passe sur Skyrock, ça sonne hit direct. Planet Rap. Attention, rançon, stupéfiant dans le calçon. Dédicace à tous les quartiers de Marseille. Saison, nos vies, c'est... Quartier Sud, centre-ville. Quartier populaire, chambre mortuaire. Marseille, c'est la guerre. 13, 14, 15, 16 arrondissements, ma mère. Sa mère et même sa grand-mère. Pavure policière, au pays du fromage. On rappe, on fait notre trou cruyère. Sky, rock, planète rap. Jusqu'à 21h sur Skyrock. Voilà, c'était hier soir dans l'émission avec Alonso et l'album Règlement de compte. Donc, ce soir, il y aura du live, évidemment, donc avec les gagnants du concours RDC. C'est ça, ils sont là, ils attendent, ils sont impatients. On va les présenter dans un instant. Juste avant, on débute avec un morceau, Alonso, extrait de l'album. Et on va débuter direct avec l'intro. Ça s'appelle Fumbuni. Alors, c'est le village. C'est ton village, Voilà, c'est mon village aux Comores. Donc voilà, j'ai décidé de baptiser ce premier track par le nom de mon village. Je leur fais une grosse dédicace. On a fait un clip là-bas qui s'appelle Tu vas parler. C'était monstrueux, accueil mémorable. Ouais, j'allais te demander à quoi ressemble le village, mais il suffit de mater les images en fait. Voilà, voilà. Tu sais quoi, même les Comoriens, ils n'ont pas reconnu. Ils se sont dit comment, il est où? Il est dans les favelas de du fin fond du Brésil. Non, c'était bien le Comore. Et on a fait plein d'images, même à Moroni, un peu de partout. Donc l'accueil était mémorable, comme je t'ai dit, on est très fiers. C'est quoi les sensations quand t'arrives là-bas justement aux Comores? Je sais pas, ça peut être les couleurs, les odeurs, ça peut être c'est un truc particulier ou pas? Mais déjà, il y a beaucoup de gens qui te ressemblent. Donc je serais pas dépaysé. Voilà, t'as plein de sosies, tu te dis putain, waouh. Donc déjà ça, tu vois. Après, même quand tu essayes de venir discret, c'est-à-dire moi, je suis venu pour faire un clip et je voulais pas préparer ça. On a pris la caméra, on s'est dit on fait ça à l'instinct, tu vois. Et même quand tu viens discret, tu as un accueil de fou à l'aéroport. Donc ça, ouais, les images que tu as en tête, c'est l'accueil, quoi. C'est l'accueil à chaque fois, les gens sont très aimables. Voilà, le soleil, tu te sens chez toi, tu manges bien, tu vois, tu revois la famille, donc voilà. Et les images du village, justement, quand t'arrives, c'est loin de l'aéroport, justement, Foumbouni? Ouais, Foumbouni, c'est très très loin. On est des gars du sud. C'est-à-dire que je suis un gars du sud aux Comores et un gars du sud en France. En France, ouais. Voilà. Donc, on salue tous les habitants, ceux qui peuvent nous écouter, ceux qui sont aussi en France. Il y a pas mal aussi de Comoriens en France. On l'a dit évidemment à Marseille. Énormément. Dans le nord de la France, à La Courneuve. Voilà. Ouais, à Marseille, il n'y en a pas beaucoup. Non, il y en a deux ou trois, vite fait. Il en reste deux, trois, ouais. Allez, on écoute le morceau, c'est parti. Nord, sud, est, ouest. Règlement de compte. Voilà, c'est le morceau qui d'entrée de jeu nous permet de plonger dans l'album, hein, en fait. C'est le premier, c'est l'ouverture de l'album, celui-ci. La violence directe directement, quoi. C'est l'intro de cet album, Règlement de compte, qu'on découvre cette semaine entre 20 et 21. Avec ce soir, il y aura du live aussi, puisqu'on le disait il y a quelques minutes, il y a les gagnants d'un concours. C'est ça. Un concours que tu as lancé via les réseaux sociaux. Exactement. Concours sur l'instru de RDC, le morceau éponyme de l'album, mon chouchou. C'est le meilleur morceau pour moi du disque. Qu'est-ce qu'on fait? On présente déjà un groupe, un des artistes, ils sont quoi? Ils sont trois ce soir, hein, c'est ça? Ils sont trois. Ils sont trois, ouais, ben je sais pas. Qui veut se présenter? Tu veux commencer par les... Debza, ben regarde. Par les Marseillais peut-être. Si tu veux, bah... si, tu vois, je voulais pas commencer par les Marseillais. Comme ça on dit pas, voilà, Marseille par Marseille. Mais si tu insistes... on va commencer avec les Marseillais. Attends, tu joues à domicile, voilà, cette semaine en même c'est temps. C'est ça, hein. C'est Pléiade, ils vont se présenter. C'est des grands garçons. Tu les connaissais? Oui, bien sûr. C'est le Poirin. Machallah, la solidarité. Voilà, c'est ça. Bienvenue messieurs. Voilà, on se présente. On y va, petit CV Express. Nous c'est Pléiade, moi c'est FASK. FASK, ténor, Pléiade, Marseille, quartier nord, 13014. 11 ans de rap. Voilà. Ah déjà? Ouais, ah oui. Il y a déjà deux albums qui sont dans les bacs. T'as pas vu la grosse barbe? Il y a un album qui est en préparation aussi. Même que la tienne. Ah ouais, c'est vraiment le même âge. Il y a un album qui est en préparation. Si vous voulez nous voir sur les réseaux sociaux, PLAYAD, Facebook, Instagram, Twitter, mes couilles, tout le bordel. Allez cliquer quoi en fait. Instagram, les frères d'Eric, celui. On est de partout. Bon, et alors, qu'est-ce qu'il y a de prévu pour vous là en 2015, messieurs? On sort un album normalement au printemps, Inch'Allah. Et voilà, troisième album. Ils s'arrêtent pas, ils sont très productifs. Ouais. Exemple, on a fait le remix de Marseille Boss. Mm-hmm. Sinon, on a lancé ça, le projet. C'est de faire un remix, tout ce qu'il y a dans le rap français. Allons, même si là, il y avait le concours, on avait remixé le son La Belle Vie. Ouais. Qui avait bien été accueilli, voilà. Et l'album, il arrive là au printemps. Inch'Allah. Il n'y a pas encore de nom, il y a les sons, mais il n'y a pas encore de nom. Voilà. On pourra vous découvrir aussi dans un instant sur la partie live de l'émission avec Alonso. On continue à présenter peut-être un autre groupe. On continue, il y a un gars de Nancy, Debza. En solo. Il est là. Ouais, en solo, ouais. Bienvenue, Debza. Donc, Debza, 21 ans, Nancy, 54, quoi, représentant. Mm-hmm. J'ai sorti mon petit EP, le début de la fin FIM, à préciser. Contrairement, moi, j'ai pas 11 ans de rap, j'en ai 8. Hein, ah bah, ça fait déjà, c'est pas mal déjà. Ça fait déjà un petit moment aussi. Et puis bah voilà, on attend le freestyle avec impatience. Et bah on va pouvoir te découvrir toi aussi. 2015, il y a des choses qui se préparent. 2015, il y a un projet, mais voilà, ça reste un peu secret. On a quelques petites ébauches de prêtes. Et puis bah, ça maquette quoi. Vous connaissiez pas avec Alonso? Tu l'avais découvert en tournée aussi? En fait, j'ai fait sa première partie, c'était avec Psycat il y a 2 ans à Nancy. Ok. Donc voilà, puis après. Et on tourne tellement, il y a beaucoup de concerts. Non, mais c'est marrant, ils font la première partie, t'arrives quand même à sélectionner pour. Voilà. Après, s'il est là, c'est la qualité de son remix. Et bah très bien, on pourra découvrir dans un instant Debza aussi au micro. C'est ça. Continuons le tour de table avec. ALP, ça vient du 9-4. Ouais, moi c'est ALP, 94, Charenton. Ah, ouais, rappeur, hein. Ça fait 2-3 ans ALP. Déjà. Ça fait 2-3 ans. Petit CV Express, il y a des choses de sortie, il y a des choses qui arrivent en 2015. Ouais, il y a un morceau là avec Jarod là qui arrive bientôt là, début du mois de février. Sinon, il y a un morceau solo que vous pouvez checker sur YouTube, ALP solo. Instagram, Lima du VSD, Twitter ALP officiel et Pedro Lima pour Facebook. Très bien, on découvrira aussi pareil en live d'ici quelques minutes. Avant de passer au live sur Skyrock, on met un petit morceau. Il y aura aussi le freestyle, tiens, par téléphone dans quelques minutes. On met un petit morceau de l'album. Ouais, Spike Miller. Même un gros morceau peut-être de l'album, ouais, Spike. Tu es comment toi? L'album ou on va dans les morceaux, allez, même ouais, celle-là. Voilà, moi je voulais qu'on leur montre comment on est arrivé là. Ah, ouais. Tu es venu avec un... Et je t'ai dit, il y a beaucoup de morceaux qu'on a envoyés en 2014. On s'est fait plaisir et on a essayé de faire plaisir à notre public. Donc, y en a plein. Il y a à la Daft Punk, Bilouti, Boîte à chaussures. Il y a Tiedampin Remix. C'est un groupe ivoirien. Je sais pas si Spike, t'es d'humeur quoi? Bilouti, hein. Ah, il est d'humeur Bilouti Monica. Eh bah, balance-nous ça, Spike. C'est parti maintenant. Le Planet Rap Alonso. Yeah. Je m'en fous du rêve américain. J'fume la Jamaïca. Punchline en Sadaka. Roulage et la baraka. La crève dans l'anonymat. J'prends ça ma dîner. C'est le règlement de compte du rap français, mamé. Monica. À charbonner. À charbonner. À charbonner. À charbonner. Le zéro, oui, à charbonner. À charbonner. Capoté de briques, des kilos de shit à écouler. Roi soleil décapité, peau noire, beurre, carité. Vécu dans la précarité, sans carafe, faut le ressusciter. Vécu de marine, le bouillir, on le roule dans la farine. En quoi me sert un V12 si ce n'est pour le transport de cocaïne. Alonso, psychiatre, l'assassin, 900 plaques. La baraque, 400 plaques. Le 4x4, 110 plaques. Audemars, 60 plaques. Un week-end, 18 plaques. Les impôts, je les paye pas. Quitte à mourir en Thaïlande avec 10 bas. Je suis pas né pour être fouetté. Je porte le coton versaqué. Quand je l'ai niqué, j'étais pété. Quand je suis pété, je la vérité. Tontorina, faut la quitter. Et Guerlain, faudrait l'insulter. Ta grosse chatte, faudrait la raser. Et des couilles pour les porter. Je m'en fous du rêve américain. J'fume la Jamaïca. Punch, rien, sadaka. Roulage, la baraka. Crève dans l'anonymat. J'prends ça ma guinée. Attention, Pelucci, Monica. À charbonner, à charbonner, à charbonner, à charbonner, le cerf, oui, à charbonner, à charbonner. Terre-terre sur Skyrock, mamé. Des kilos de shit à écouler. Je me lève à midi, je t'emmerde, je travaille la nuit, je fais tapiner Marianne. Chaque immigré ramène sa culture, les roms, c'est le trafic d'organes. Y'a de quoi rembourser la dette africaine dans le cellophane. C'est le 18, y'a du sang blanc, 98 dans le jerrycan. Les lamelles dans le hall, à Heisenberg, c'est le modèle. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. On s'en bat les couilles, faut le pactole. Si s'engager, faut des projets. Châssis, douche, dodane, AMG. E-U-R-O, E-U-R-O. On est des terres comme un roubaix. On se voit d'aller sur la route. Les croyants font du sage. Que Dieu pardonne, on va pas mourir d'un cancer. Mais de 14 balles. Maman pleure, papa parti. Nique, c'est grave mort. Le code pénal. Il croit qu'on oubliera les colons grâce aux enveloppes familiales. Je m'en fous du rêve américain, j'fume la Jamaïca, punchline en Sadaka, roulage et la baraka. Grosse dédicace à tous ceux qui ont acheté l'album RDC. Merci pour la force, papé. La mixtape Capo des Capi volume 1 arrive bientôt, mamé. Plus personne va respirer, voilà. Campo, yeah. Va charbonner le zin, fais le Campo. On vit la discrimination monétaire, ma A-L-O-N-Z, le Capo des Capi. Vous sous-estimez Marseille, je vais tous vous rafaler. Provoquez pas des fous, on est nombreux, papé. Comme rien nouveau. Ratatata dans l'abdomen. Ce morceau, si j'ai pas envie, je le mets pas dans l'album. Je m'en bats les couilles. Hitler, Marie, Nawad, Saka, Samian, Suleiman, Bomet, l'huile, Soule, Castellan, Plandao. T-R-E-I-Z. Ouais, finalement t'avais pas envie. T'avais pas envie. C'est-à-dire j'avais pas envie de le mettre dans l'album. Et voilà, tu vois, t'es voilà, tellement de morceaux, on s'est dit voilà, même celui-là on le met pas dans l'album. Bon, vois, par on contre, était confiant. Quand même, faut que t'arrives à m'expliquer même parfois sur des morceaux, sur des noms de morceaux, je trouve que t'es assez fort là-dessus. Comment est-ce que le nom de Bellucci arrive à un moment dans ce morceau, quoi, si tu veux. C'est une dinguerie. Hein. Comment est-ce qu'à un moment t'as envie d'arriver d'ailleurs. Ben, je sais pas. Moi, je pense que ça fait partie aussi d'un champ lexical. Quand je dis 600 chevaux Italia, Ouais. Bellucci, Monica. Tu sais, le rap, c'est ça va vite. Donc je pensais voilà. Ensuite, on l'appelait Bellucci parce que le morceau est. Mais t'aurais pu l'appeler 600 chevaux, en fait. Ouais, c'est peut-être possible. Tu vois. Après, Bellucci, voilà, le morceau est beau. Donc Bellucci. C'est vrai que le nom est classe. Quoi, le nom, Bellucci, le nom. Elle est pas vilaine non plus. Le nom est classe. Ça correspond au morceau. À la frappe. Chevaux, Bellucci, c'est de la frappe. En tout cas, ce morceau, il fait partie en effet du boulot qui a été vachement fait en amont pour, ouais, pour toi, pour cet album. C'était voilà, balancer, occuper le terrain, balancer de l'image aussi, parce qu'il y a, il y a les clips qui vont avec pour la plupart. C'est ça. Pour la plupart du temps. Donc, celui-ci a été lancé il y a quelques mois maintenant, celui-ci. Il y a quelques mois maintenant. Et tu vois, les vidéos servaient à faire montrer notre univers. C'est-à-dire que c'était très instantané, encore une fois. On a clippé ça à la chicha, le Garden. Voilà, c'est des poteaux qui tiennent ça. Et on s'est posé, on a balancé le morceau et entre potes, on s'est amusé. Tout comme à la Daft Punk, tout comme pour ceux qui connaissent un peu le morceau Boîte à chaussures, mmh, aussi. Ça s'est passé au Parc Fontobscur à Marseille. Donc voilà, on a ramené le riz, la daronne, la daronne, elle a fait du riz, du poulet, on a mangé à la main. Il y a un poteau qui avait un drone, il a levé en l'air et voilà, il nous a filmé. Voilà. Bah, des moments de vie en fait. Exactement, et c'était très important avant d'arriver avec le premier extrait qui était La Belle Vie. Et surtout que c'était des morceaux à la base qui devaient être sur l'album. On était dans la construction de l'album, mm-hmm, et voilà, on joue aux échecs dans le game. On entend un qui a sorti un morceau, ouais, ah ouais, il blague lui. Eh bah, tiens, bon, voilà, qui envoie quoi, qui fait qui, qui bouge quoi. Ouais, c'était bah c'est aussi la compétition du rap, donc c'est un truc qui est important aussi, voilà, d'être en compétition tout le temps. Et c'est ça qui te transforme en super guerrier. Ne bougez pas dans un instant, règlement de compte, on continue avec Alonso. Il y aura donc la session live à découvrir, les artistes que tu as invités ce soir dans le studio. C'est ça. Qui ont gagné le concours RDC, ça arrive. On parlera des dates de concert, on les filera dans un instant. Le freestyle par téléphone aussi sur Skyrock, ce sera dans quelques minutes avec la magnifique chicha électronique à choper. Exactement, les poteaux, la chicha électronique. Ne bougez pas, on revient juste après ça avec Alonso. Let's go, let's go. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine. Yo, okay. What? Yo. Hello. Hey yo, let's go. Elle est devenue l'émission rap de référence. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Ce soir, Planet Rap. Avec Alonso. Ladies and gentlemen. Ce soir, Skyrock reçoit Alonso Papé. Pour une heure d'exclus et de total direct, c'est maintenant sur Skyrock. Avec Alonso toute la semaine entre 20h et 21h avec cet album Règlement de compte, c'est l'album qui cartonne, l'album qu'il faut avoir en ce moment. Numéro 1 en King, c'est vrai, en King, Alonso avec nous entre 20h et 21h toute la semaine. Dans un instant, il y aura du live aussi avec les gagnants de ton concours. Yes. Juste avant, un petit point quand même sur les dates, puisque la tournée approche, mine de rien. La tournée approche. C'est le 13 février du côté de Nantes, ça débute là-bas? Exactement, ça commence le 13 février à Nantes. On va passer par Pontoise, Neuchâtel, Colmar, Nancy, Perpignan, Montpellier, Savigny-le-Temple, à Sénon aussi, à Lyon, c'est le 22 avril. On va passer aussi à La Cigale, à Paris, c'est le 23 avril. Et voilà, on va continuer au printemps de Bourges, à Toulouse, Lille, un festival aussi, un cours. Et bien sûr, le 6 juin, la deuxième fête nationale après le 26 janvier, la sortie de l'album. Et le 6 juin, c'est au Dôme de Marseille. Frère, est-ce qu'il faudra s'attendre, André, surprise au Dôme de Marseille? Ah, déjà, il y a pas mal de gens sur mon disque déjà. Ah oui. Donc, il faut s'attendre à de très, très grosses surprises. C'est bien en plus, ça change parce que d'habitude c'est vrai que les gens viennent soit au Zénith de Paris ou au concert à Paris, ils amènent plein d'invités là. Il faudra se déplacer à Marseille en au Dôme. En plus, tu sais quoi, c'est juin, logiquement il va faire beau, ouais. Ça va un peu vous dépayser. C'est avant les examens, donc pour décompresser ceux qui ont les examens qui approchent. Exactement, voilà. Ouais, il y aura les bacs, les machins, donc allez-y avant ça pour vous rincer la tête. Exactement. Voilà. 6 juin, loupez pas au Dôme de Marseille avec Alonso. On écoute un morceau? Ouais, en boucle. On va écouter en boucle. En boucle. En boucle, c'est. En boucle, c'est. Il a une histoire, ce morceau. Tu sais. tu sais, il y a un quartier qui s'appelle La Castella, dans Marseille. Et c'est des mecs avec qui je suis très, très proche. Depuis mon enfance, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Et j'avais balancé un freestyle justement avant La Belle Vie, que j'ai baptisé En Attendant La Belle Vie. Mmh. Et il était court pour eux, tu vois. Et ils ont décidé de l'appeler En Boucle. En Boucle. Ce freestyle. Donc du coup, je me suis dit, dans l'album, il faut un freestyle similaire. Il faut son jumeau. Et je vais l'appeler En Boucle. Donc les gens, ils sont un peu frustrés parce qu'il est court. C'est vrai, mais il est 50, ouais. Je l'ai pas appelé En Boucle pour rien. Tu vois, c'est comme des chips, tu t'arrêtes plus quand tu l'écoutes une fois. Voilà. Et bah allons-y pour une fois, deux fois et on verra après. Non, c'est pas... Remets-moi une instru avant La Belle Vie, mamie. Je pense qu'ils sont pas rassasiés, la famille. Écoute. Yeah. Arme à feu,

veux, je t'en ramène deux. Préviens ton équipe, la bombe est sortie. Je finis la mixtape, vous la sors en deux. Bravo. Voilà, jamais 203, ah. Il est respecté. En plus, c'est marrant parce que je voyais les têtes à bouger de plus en plus sur le troisième diffusion hein, dans le merci, studio. Merci. Donc je pense merci. Que c'est un bon indicateur aussi. Hein. Merci. Avec tous les gens qui sont dans le studio et justement qui kiffent le rap, qui vont rappeler d'ailleurs dans un instant. C'est ça. Qui sont venus avec toi dans le studio. Et là, on va accueillir par téléphone un garçon qui s'appelle Lacrymo Puro, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est ça. Bienvenue, Lacrymo de Toulon. Ouais, c'est ça. On connaît ça. On connaît. On connaît le sud. Ça va, Lacrymo? Oui, ça va et toi? Tu vas bien? Ouais, impeccable. Ah non, tu connais tout le monde en fait, c'est ça qui. Tu sais, ça fait. Ah ouais, ça fait plusieurs années. Plus de 15 ans que je suis dans le rap, hein. Ça se voit pas comme ça. Mm-hmm. Parce que mon flow, il est tout terrain, il est 4x4. Mais ça fait quand même longtemps. T'es comme Sopra Farel. Voilà. Je sais pas, vous avez un truc, je sais pas, il y a. Ouais, dans Psychiatre, il y a un truc qui est particulier en fait. Voilà, on traverse le temps sans faire exprès en fait. C'est ça. Là. Et bien, bienvenue Lacrymo Puro, en tout cas dans l'émission de Toulon. Ouais, merci. Et alors, attention, parce que toi aussi, tu as décidé d'apporter ta pierre à l'édifice, puisque tu as choisi l'instru. Il n'y a rien à faire. C'est ça. Il a fait un remix en plus. Pour le freestyle ouais, par téléphone. Ça. C'est ça. On suit. Et bien, on va t'écouter maintenant, c'est parti. Allez. Yeah. Lui, trois Toulon City. Yeah. Lacrymo Puro. Ta meuf a tapiné toute la night, on s'en bat les couilles. On t'avait prévenu qu'elle faisait des dingueries avec son boule. La Kalashnikov est chargée, ça sent la dépouille. Que des Gilles Bras, c'est relou, tous les vrais sont avec nous. Si t'es jaloux, Baraneyek. Hein, si t'es jaloux, y'a rien à faire. Hein, si t'es jaloux, Baraneyek. Yeah, si t'es jaloux, y'a rien à faire. Ok, ça fait, yeah. Encore un remix de plus dans la boîte. Je garde des inédits pour l'album, t'en dis quoi? Je vois des gens sortir 10 clips dans le mois. Mais ils sont tout pétés, dis-moi ça sert à quoi? Pour faire du buzz, je les vois clasher un grand renom. Leur rap est expiré depuis des années. Alors détends-toi, je préfère creuser l'écart plutôt que de creuser ma tombe comme eux. Dans l'8-3, beaucoup kicks allemand mieux. Des gens me disent tes clips méritent plus de vues. Mais tu ne partages que des MC connus. T'as fait un feat avec un mec buzzé, tu te la racontes. T'as tournant le meilleur flow dans les recoins des boîtes Boulogne. Hashtag Young sombre. On fait ta faux calme dans l'ombre. Tu mets des calaches en top dans tes peuplis. Tu fais le dur mais quand tu rentres tu fais le chaton. Parce que ta meuf a tapiné toute la night. On s'en bat les couilles. On t'avait prévenu qu'elle faisait des dingueries avec son boule. La Kalashnikov est chargée, ça sent la dépouille. Que des Gilles Bras c'est relou. Tous les vrais sont avec nous. Si t'es jaloux, Baraneyek. Yeah. Si t'es jaloux, y'a rien à faire. Hein. Si t'es jaloux, Baraneyek. Si t'es jaloux, y'a rien à faire. Yes, Lacrymo Puro à l'instant en freestyle, est-ce qu'il a honoré l'instru? Oh, oui, bien sûr, ça vient de Toulon, ça vient du sud. Grosse dédicace à tout Toulon, à la cité Berthe, à hier. Voilà, yes. Merci Lacrymo poto. Et tu repars avec la magnifique chicha électronique qu'on file à chaque freestyler cette semaine. C'est ça. Ah ben, t'es cap, c'est gentil. Elle est bien en plus. Il est en train de la fumer là, la portable. Eh ben terrible, c'est pour toi, on t'envoie sa petite dédicace, on peut te suivre sur le net, pareil, t'as 2-3 infos à filer. Ouais, j'ai les réseaux sociaux, c'est Lacrymo Puro, APURO, voilà, sur Facebook, Insta, Twitter. Après, on peut retrouver des clips que j'ai sortis sur ma chaîne YouTube Lacrymo Puro TV, donc notamment le remix Y'a rien à faire Baraneyek que j'ai clippé. Et voilà, après j'ai un album en préparation avec plusieurs featurines dessus, notamment que Alonzi connaît avec Phare de Puissance Nord. Oui, on connaît très très bien Phare. Voilà, il y a Mino, Picard, Carpe Diem. Puissance Nord dans pas longtemps, en plus au mois de mars. Oh, ouais, c'est ça, ouais. Et ben on suivra ça, merci à toi en tout cas. Ouais. La c'est possible de faire des dédicaces ou quoi? Ouais, vas-y. Ouais, bon, ben je vais remercier déjà l'équipe qui me suit pour mon album. Il y a Picrate et Teddy du groupe Carpe Diem. Moïse Escamez, Kavom et Mamen Sosa qui sont aux instrus. Radmoul, l'ingé son de la Sabine. Amérapi de Paname, Rossel, Daïe, Soma. À Only Pro, Zino, Sopra, Soso, Jamalier, François. Et après, à tous les, un big up à tous les indépendants du 83. Il y en a pas mal. Il y a Pirate, Dom Salus, Corben, Nono qui me fait des clips. Malak Ironique, le collectif L'Armada, Tomba FOB, Jimen, Cas Sensible, il y en a plein d'autres. Et après, je vais faire une dédicace aussi au petit frère Jérémy Négueuse, Nelio, Khaled, Mams. Et après, je vais faire aussi un gros gros big up à Nabil La Galette. Que sinon, il va empoisonner mes sandwichs. Donc, vaut mieux que je fasse. Eh ben ouais, passe une grosse dédicace. Voilà. Eh ben merci à toi. Passe une bonne soirée. Merci, toi aussi. Bien, poto. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Dans Planète Rap, je crois qu'il est grand temps d'appeler les gagnants maintenant au micro. Rappelle-nous un peu les blazes. Eh ben les blazes, il y a Pléiade de Marseille, Debza de Nancy, ALP du 9-4. Dieu. Vous êtes prêts, les gars? Wow. On va leur laisser la place. Je pense qu'ils ont fait quelque chose de lourd. Et ben on va pouvoir découvrir ça maintenant en live. Aïe. Spike. Je laisse envoyer l'instru. C'est parti maintenant en live dans l'émission. Ouf. Alpha Lima Pedro du 9-4 double dose. Ibrahim Manga Sosa du Vest des Gang. Fenders Music. Dédicace. Passe à la terre, Azmo. Hein? Yeah. Ah, ah, je vais mourir chaîne dans ma baignoire, train de piller comme un slot dog millionnaire. Combien de chauffeuses de bite ont fini violée? Pareil que tu nous cherches dans le hood, un oui on air. Web 4 gravé sur le pistolet. Sur la tête, je fais selfie comme tout il est, c'est consentant. De rien avant, je fais confiance à la barre transversale, hein, c'est fini les poteaux. On ramène l'arrivage, on ramène le peur, hein, on ramène le beau temps. Ah, sa mère. Ah, renvoie un autre. Ah. Ah, Alpha Lima Pedro, 9-4 double dose. Ah, eh, parfait. Ah, eh, Belek dans ma ville, y'a que des putains de traquenards. Armé comme un ukrainien du putain de Shakhtar. J'en ai marre qu'à chaque 16, on me disait le bâtard. Crois que j'ai pas de pire, putain, c'est la totale. Igola, c'est ratard. On a tout du Qatar. J'te conseille ton pare-balles, tu ramènes ton papa. Ça fait pas à pas, on va t'oublier. J'fais les mêmes ribos d'un Fantana d'hier. T'es qu'il faut face, amigo tout y est. Lorsque Dieu de la concurrence, elle est nulle à chier. Pendant qu'elle kick deux jours en jour, kick deux jours en jour, moi j'parais les roubliers. Le beau quoi trop faut qu'on amasse gros billets. Le beau quoi trop faut qu'on amasse gros billets. C'est le TDB, hein, c'est le VST Gang. Tu sais très bien que la zone est quadrillée. Hein? Alpha Lima Pedro, du 9-4 double dose. Comment rien nouveau? Alpha Lima Pedro, règlement de compte 26 janvier. Yeah. Aïe. Aïe. Debza au mic. Nancy 54, square représentant. Le début de la fin. Gros big up à tous mes squarios. Gros salam à Hichem. Merci pour hier soir. Tu m'as coupé les cheveux, tu m'as sauvé la vie. Yeah. Hein. On ira traverser vents et marées, t'inquiète, j'ai la mentale. Eux, quand ils rappent, ils me font marrer, flow, texte lamentable. Fallait pas me chercher, le micro, je me l'accapare. Je dois aller faire taire, leur montrer de quoi je suis capable. Ils diront que j'ai baisé ma jeunesse, la rage, bien avant que jeunesse. Kalachnikov au bout des lèvres, quand je tombe deux fois plus fort, je me relève. La rue demande du gros son, c'est mon place qui s'élève. Tant que je suis validé par ma thèse, rien à foutre d'être célèbre. Faut que ça résonne tout part, que le coup part, on tire dans le tas. Reconnu coupable, Belek, Belek à la vendetta. Dès que je rentre en cabine, je les vois tous qui se frottent la tête. Sur n'importe quel proche, je les abîme, c'est le RDC fera l'affaire. Faut jamais dire que ça arrive qu'aux autres. À ta place, moi je me méfierais. Je reste là, je suis tapis dans l'ombre. J'attends que le bonheur vienne me délivrer. Parlez-moi d'oseille, faut vite que je m'éloigne d'ici. Tous mes rêves se dissipent, Chétan veut que je sois son meilleur disciple. Des erreurs j'en ai trop fait, trop de rancune que j'ai coffré. Les vrais savent que j'ai jamais menti, je porte mon vécu comme un trophée. La rue je l'ai assaisonnée, je la connais comme ma poche. Je viens prendre ce qu'on m'a pas donné, avec ou sans la force. La misère j'y suis abonné, y'a que les problèmes qui m'abordent. Et sa mère le manque de monnaie donne envie de braquer la poste. Je kick, je leur montre comment faire, trop sale faudrait qu'on m'enferme. Rap vrai sans commentaire, je dois tout niquer avant commentaire. Je kick, je leur montre comment faire. Trop sale, j'aimerais qu'on m'enferme. Rap vrai sans commentaire, je dois tout niquer avant commentaire. Règlement de compte dans les bacs, y'a rien à faire, tu vas parler. J'ai la belle vie au bout du fil, je vais la rejoindre en siège paquet. Hein? On a choqué Fred de Sky. J'ai pas prévu de plan B car mon plan A est archi fiable. C'est vrai qu'on se cache. Elle vend les haches. Ils nous ont déclaré la guerre, tous ces lâches. Ah, c'est pour ça que je marche seul. Check, Debza au mic, squad représentant Alonso, règlement de compte. Check, check, check. Ok, pull up. Marseille, quartier nord. Quartier nord. Pléiade. Hey. Direct sur Skyrock. PLAYKD, ténor. Ça fait. Yeah, ok. Yeah. Je sais c'est quoi de courir derrière un salaire. Rapporter 2-3 sous à sa mère. Check. Pléiade. Check. Je sais c'est quoi de courir derrière un salaire, rapporter 2-3 sous à sa mère. Je connais la misère sous toutes ces coutures, je l'ai vu faire salaire. Je connais la galère, les soucis, le mal-être. Ok j'avance mais depuis le début je roule avec la galette. Le front sans la manque de SNF. La vie est un jeu et bien souvent j'oublie que c'est pas moi qui ai la manette. Les flammes ont bâti mon 4, ok le temps s'arrête. Je suis sur mon lit et je compte les frères qui sont bloqués aux arrêts, ou ceux qui ont fait leur dernier tour de manège. Le quartier nous les a pris sans qu'on puisse leur dire un dernier salam alay. Couvre, j'ai plus le temps de compter les douilles. Cause, je suis même plus sûr de passer les 12 coups de minuit. Vu qu'on devient tous fous, on te liquide pour une histoire de sous, de sous, sous. Le quartier money, faut que je dessoule. Les pieds sur bitume, faut que je dessoude. Je suis pas à l'abri de me faire descendre. Poussez-vous, le rêve français, c'est fait la malle. Ça fait un bail, j'ai toujours ce mauvais goût venant de mes amygdales. Mes amis ont la dalle, loin du luxe, un peu de sky dans le cœur. Anesthésie au laser comme Luke Skywalker. La vie m'ampute et me demande pas sur quel pied je danse. Si le savoir est une arme, boy, j'ai su m'armer de patience. C'est toujours le même refrain, toujours la même chanson. Si t'as une grande gueule comme Patrice, ils t'écarteront. Je pense au bled, je pense à Coco, ça vend du shit, ça vend la coco. Je suis ses francs, je suis de déco, le mal griffe, ça fait des échos. Le bonheur, je la casse, ça va être trop con, je chie un texte, je marche pas mes mots. 1, 2, 3, 4, ils ont osé. 1, 2, 3, 4, je suis dépensé. La différence fait que l'on s'aime. Même temps rive pour vous qui nous craignent. La pitié se pointera pas à l'heure. La France nous ment, me fait mal au cœur. Quand mes raps âges comptent pour du beurre. Ferme les yeux, Renoir fait un vœu. Argument tiré par les yeux. Bien bientôt, tout ira mieux. Oui, je suis pas sûr de finir la fin du mois. Je suis pas sûr de partir après moi. Moi, je suis pas sûr d'être assez vieux pour ma mort. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Et si demain je me mange une balle, c'est que j'ai jamais marché au pas. Maman m'a dit t'écoute pas, RDC goodbye. Dehors les coups partent, AK écoute pompe. Je reconnais les coupables et quand les douilles volent, ben les frères tombent. Hé, papé, à l'instant. En live. Dédicace à ma petite sœur Nida qui s'est mariée il y a pas longtemps. Bah allez-y hein, les gars, pour les dédicaces, même si on peut vous suivre aussi, s'il y a des adresses affiliées, allez-y. Il faut qu'ils vont sur internet, qui t'a Pléiade. Cliquez. Ils ont tous bien kické, franchement, merci les frangins. Merci à Pléiade de Marseille. Merci à Debza de Nancy. Merci à Aumaipé. Debza sur Facebook. Voilà, ça fait plaisir. Merci à Hollande. Ça fait plaisir, franchement, ils ont honoré l'instru. Comme j'ai dit, c'est pour moi mon chouchou ce morceau, donc ça me fait énormément plaisir. Et voilà. Ben, on a pu en avoir la preuve là aussi en direct dans l'émission ce soir. Merci à vous tous, messieurs, en tout cas. Merci à vous, Fred. Et on va guetter pour la suite, donc pour 2015, pour tous vos projets que vous avez pu annoncer en début d'émission. Tout le monde. On met un dernier morceau avant de se quitter à Londres. Franchement, vu qu'on est dans une ambiance un peu, on va dire, sombre. Moi j'aimerais bien passer, je sais pas si Spike il a ce morceau, c'est un inédit. Ah, un titre inédit alors. C'est un titre inédit qui a été balancé pour les gens qui ont eu la précommande de l'album. Le morceau il s'appelle Bullshit, il est rare, c'est pour ceux qui l'ont précommandé en amont. Il y a un clip aussi qui va arriver incessamment sous peu, que j'aime beaucoup. Donc Bullshit sur Skyrock, grosse dédicace à tous ceux qui ont précommandé l'album. Il est en king, il est en vivant, il est en direct, il est sorti le 26 janvier. Mamé, Miller. Allez, on le balance, c'est parti. Mamé. Écriture très sombre. Écoute. Stars. Fin de journée, je fly. Shit. Dis-moi où c'est le plan d'art. Seul ton passé t'appartient, la mort fait le baisement. Blanc comme le jasmin ou noir comme un cul de joint. Riche ou bien mesquin, fuir le quotidien. Rire de nos défunts ou jouir sur un bout de sein. J'tourne comme une roue et j'accélère comme mon pouls. Les forces de l'ordre, les ripoux, la Roumanie au feu rouge. J'ai le cœur qui me gratte, mes idées qui se battent. Y'a Iblis qui me jacte, que j'suis pas maître de mes actes. C'est la raison pour croire, j'habille rose quand je roule mon chrome. Métro, boulot, dodo, moi je veux la Bugatti Veyron. Peut-être que cette chaîne de vie, je la trouve le moins con. Peut-être que si je me marie, je la trouve le moins bonne. Je fais le tri de mes cauchemars et de tous mes rêves. Je préfère largement faire la fête, me taper des barres, tomber sur le prix. Quand je ne sais pas comment va finir mon ami, quand mon ami sait pas comment va finir ma vie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va pas tarder à monter au quartier nord. En fin de journée, je flâne. C'est le moment de prendre la route. Dis-moi où c'est le plan d'art. Que je touche mon bullshit. En fin de journée, je flâne. C'est le moment de prendre la route. Dis-moi où c'est le plan d'art. Que je touche mon bullshit. Mon bullshit, mon bullshit. Que je touche mon bullshit. Mon bullshit. Mon bout de shit, resserre-moi mon bout de shit, mon bout de shit, mon bout de shit, resserre-moi Jupiter, mon bout de shit, mon bout de shit, mon bout de shit, mon bout de shit. Yeah. Allez, faut de pouvoir toucher les étoiles, Hollywood, à faire soir, tous les piétinés, le long de la route, quitter la terre ferme, à bord de la fusée, amnésia. HLM et Villa, ça vous retrouve la NASA. La mama est solide, nous on se tue pour du liquide. Sur le bon chemin, ça klaxonne alors que le trafic est fluide. SOS, jeune en danger, on veut être DBOS, S en diable. Et dans les nuits blanches, arme noire, arme blanche, arme noire. Vaisseau, SO, El Khalifi, or noir. Volontairement vers la mémoire, quand on consomme la barrette noire. Car si je m'envole et que je me crache, dis-moi à quoi servira de retrouver la boîte noire. Carte Visa, Ibiza, Elisa, Balenciaga. Car je ne sais pas comment va finir mon ami, car mon ami sait pas comment va finir ma vie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va pas tarder à monter au quartier nord. En fin de journée, je flâne. C'est le moment de prendre la route. Dis-moi où c'est le plan d'art. Que je touche mon bullshit, mon bullshit. En fin de journée, je flâne. C'est le moment de prendre la route. Aélo Enzedo, mame. Dis-moi où c'est le plan d'art. Capo. Que je touche mon bullshit, mon bullshit, mon bullshit. Hey. Que je touche hey. Mon bullshit, hey. Mon bullshit. Hey. Mon bullshit. Mamé, tous ceux qui écoutent Planète Rap dans leur voiture. ALONZO, c'est le capot des capis. L'album est sorti, il est dans les bacs. En violent, en direct, mamé. RDC. Spike Miller, dealer. Pour tous ceux qui ont précommandé l'album, qui ont ce morceau et qui l'écoutent dans leur portable. Yeah, vrai. Le clip arrive bientôt. Beat Bounce. Aïe. M-A-R-S. À l'instant, donc, ce morceau qui était uniquement dispo en précommande, hein, c'est ça? Exactement. Je t'ai retrouvé à Londres. C'est ça, ouais, j'ai bougé, tu sais, moi je bouge. Ah, tu bouges, ouais. Tu bouges, ouais, je t'ai retrouvé. Je fais des photos, je dis bonjour, je. Ça court à droite à gauche. Ça court à droite à gauche, il y a du monde. Ouais, mais comme je disais, Bouchit, c'est un morceau qui était en exclu pour ceux qui ont précommandé le disque. Tu vois, c'est un joker de luxe pour moi, en toute honnêteté. Dans chaque grande équipe, il y a toujours un joker de luxe. Mmh. Je pense que vous connaissez ça un peu avec votre équipe de c'est foot. Vrai, c'est vrai. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle cette équipe. Ah, je vais te le rappeler, PSG, c'est très simple. Je ne sais pas. Donc, et pour moi, il fait partie de mes préférés aussi. Il est dans mon top 5. Tu vois, et déjà, j'ai annoncé beaucoup. Hein. Ouais. Il y a RDC, il y a vrai, Marseille. Là, il y a Bouchit. Ça veut dire qu'il doit en rester encore un ou deux. Il y a quelques ex-échos peut-être, en fait. Hein? Il y a quelques ex-échos dans le ouais, top 5. Aussi, aussi. Tu as pratiquement tout, en fait, en top 5. Bon, avant de ceux qui t'ont fait tourner la roulette. Skyrock t'offre la tournée de Black M dans toute la France. La roulette qui tourne avec Aurélie de Saint-Omer. Salut Aurélie. Salut, ça va? Ça va et toi Aurélie, je te présente Alonzo. Ah bah. C'est notre invité toute la semaine. Bonsoir Alonzo. Bonsoir, ça va? Ah bah, ça va nickel. Bon, prête à faire. Pas besoin, surtout. Mais ça fait plaisir. Eh bah, ben, bienvenue Aurélie, tu es prête à faire tourner, on y va. Je la lance dès que tu veux. Ah oui, je suis prête. Tu dis stop, okay. C'est parti. Stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Eh ben voilà, tournée de Black M. Près de chez toi, il y a deux places qui t'attendent, Aurélie. Deux places pour aller voir Black M. Oh, merci, vous gérez. Franchement, Sky, je vous écoute tous les jours, vous déchirez. Trop bien. Eh ben, merci à toi, Aurélie. On te fait plein de bisous et kiffe bien le concert de Black M. Un gros bisou aussi à Alonso. Et puis à la prochaine. Salut, merci. Merci beaucoup. Merci à Alonso pour cette soirée. Eh ben merci encore une fois, riche en émotions. Une semaine qui passe vite, on se retrouve déjà demain, vite. déjà jeudi, vendredi, il y aura des surprises. Il y aura des surprises. On va essayer de finir cette semaine en beauté. Vous le savez très très bien, dans mon album, il y a beaucoup d'invités. Ah. Et des invités de luxe. Ah. Donc, on n'en dit pas plus, mais ne ratez pas jeudi, ne ratez pas vendredi, il y aura du live. Ça sera l'embouteillage du rap français, je pense. Eh ben, loupez pas le retour d'Alonso tous les soirs entre 20 et 21. Merci beaucoup, l'album c'est Règlement de Compte. Merci à ceux qui sont passés. On salue ceux qui sont passés ce soir. Hein. Yes, c'est ça. Les gagnants. Debza, ALP, merci. Merci à tous ceux qui ont participé aussi au concours. Et je vous donne rendez-vous dans demain. Votre ville. Demain et dans... Bah oui, près de chez vous, la tournée. Chez vous, la tournée, elle est là. Merci à toi Alonso, merci à Spike, merci à ceux Fred. Qui sont passés. Et là il est grand temps de retrouver D-Fool maintenant. RDC, c'est parti pour la Radio Libre. Ouais, c'est parti jusqu'à minuit. Merci Fred, merci Alonso. Tiens, justement parce qu'on parle d'Alonso, un pote d'Alonso, il connaît bien je crois. C'est Sopra qu'on va retrouver tout de suite sur Skyrock. Et toute l'équipe est là, allez-y, profitez de cette soirée. Une grosse soirée qui va démarrer dans un instant. Radio Libre en direct jusqu'à minuit. Ça veut dire que dès maintenant vous pouvez appeler au 01 53 40 30 20. Vous pouvez nous laisser vos messages au 41 759 sur l'appli Skyrock, sur tous les réseaux sociaux et sur le skyrock.fm aussi. On vous salue tous d'ailleurs. Bonjour Sébastien de Mazamet, bonjour Suprême Banana qui vient d'arriver. Bonjour à Romain, bonjour à Eva Kenza et Kenza qui sont là de Haute-Garonne. Bonjour les filles, allez-y. Vous avez un truc à dire, vous voulez faire les cons avec nous dès maintenant. Vous profitez. Bon, enfin un petit point sur tout ce qui va se passer ce soir. Et on vous retrouve en direct. En plus, vous le savez, dans l'émission, il y a plein de surprises. Donc tout peut arriver. Et Soprano arrive tout de suite. Soprano et Fresh Prince sur Skyrock. On y va et on arrive dans une minute sur Skyrock.